Mosaïque. Bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Mosaïque où nous allons parler de la contribution financière de la population pour les prochaines échéances électorales de 2020. En effet, ce 21 novembre, le ministre de l'Intérieur a réuni des partis et d'autres formations politiques pour parler de la contribution de la population pour ces élections, ce qui n'a pas recueilli l'unanimité des participants. Alors qu'en juin dernier, le président de la République avait annoncé que la contribution est volontaire, le ministre Pascal Ebalandaguié a annoncé à l'occasion de cette rencontre qu'un projet d'ordonnance ministérielle réglementant cette contribution est en instance d'être signé. Cela pousse à se poser certaines questions. Est-ce que finalement la contribution aux élections de 2020 est en train de devenir obligatoire? Si tel est le cas, quelles seront les conséquences pour ceux qui n'auront pas contribué? Pourquoi certains acteurs sont opposés à la contribution obligatoire? Comment procéder pour avoir le consensus sur la contribution ou non aux élections de 2020? En vue de tenter des réponses à ces interrogations, quatre invités sont avec nous sur le plateau. Terence Narila Aja, assistant du ministre et porte-parole du ministère de l'Intérieur. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Oudranil, bonjour chers auditeurs, bonjour chers collègues qui sont ici. Nous sommes aussi avec l'honorable Sylvestre Ebikondagara du parti Sawanya Fodebu. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour à tout le monde. Bienvenue. Merci. Il y a également Fossein Dikoumana, il est président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et évolution des mentalités, PARSEM. Bonjour. Bonjour. Nous sommes aussi avec Madame l'honorable Godelieve Ninina Hazoué, elle est du CNDD-FDD. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. La mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitebouti, Jérôme Nyonzima est à la réalisation et au micro vous retrouvez Joseph Sabiabandi. Bienvenue dans votre émission Mosaïque. Mosaïque. La première question, je l'adresse à vous, Terence Nahila Aja, assistant du ministre et porte-parole du ministère de l'Intérieur. Comment se présente la contribution volontaire pour ces élections? Y a-t-il de l'engouement ou bien la population est encore réticente? Merci beaucoup de poser la question. Comme vous le savez, vous tous et nos chers auditeurs, il y a un beau bout de temps que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a procédé justement à lancement de la contribution aux élections de 2015, de 2020, je m'excuse. Et alors, il a même mis les paroles en action, c'était je crois dans la province Ngozi, quand il a donné une enveloppe de 5 millions, vous avez tous dit, au nom de sa famille, pour montrer un bon exemple. Même après lui, il y a eu quelques autorités qui ont suivi le modèle et une grande partie de la population qui a continué. Mais comme vous le dites, effectivement, la population en général a très bien accueilli cette idée. C'est d'ailleurs la population qui avait réclamé cela au cours de l'Yaogente de Burundi et qui a lié, comme vous l'avez suivi, dans toutes les communes du pays, toutes les provinces du pays, où bien entendu, la majorité de la population a été représentée par plus de 28 000 personnes au niveau provincial et plus de 26 000 au niveau communal. Et dans la plupart de ce qu'ils ont proposé, justement, ils avaient dit qu'il faut que le gouvernement mette en place en compte ou pour qu'en fait de compte la population. Elle me commence à contribuer parce qu'elle avait une leçon importante en 2015 quand, à la veille des élections, nos bailleurs ont coupé les aides, les appuis en matière électorale et il y a eu d'ailleurs les contributions qui ont commencé. Ce n'est pas même aujourd'hui que ça commence. En 2015, quand ils ont coupé, il y a beaucoup de Burundais, les amis du Burundi, il y a un compte qui a été ouvert à BAB à ce moment. Beaucoup de personnes ont contribué et ça a très bien marché. Et pour le moment, dans votre introduction, vous avez dit que et le chef de l'État a dit que c'est volontaire, que le ministre a dit que c'est obligatoire. Non, il commence à réglementer cela. Bien entendu, vous savez, quand le chef de l'État lance un projet ou quand il prend une décision, il y a des techniciens qui doivent lire un texte pour justement réglementer ce qu'il a dit et pour le mettre en application. On a réalisé que finalement, il y a la Constitution de la République qui nous invite même à contribuer de la manière. À son article 73. Donc, c'est de cette façon que le ministre a vu qu'il est nécessaire finalement de réglementer pour qu'il y ait de l'ordre. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'un projet d'ordonnance ministérielle conjointe qui sera signé par les deux ministres, à savoir le ministre de l'Intérieur et de la Formation Patriotique et le ministre chef des Finances, qui budget en prévision. Il a été adopté par le Conseil des ministres, vous l'avez tous suivi. Maintenant, on est en train de finaliser le texte pour qu'on fait le compte. On avait attendu le procès verbal du Conseil des ministres, où il n'y a pas eu beaucoup d'amendements à ce projet. Et voilà que d'ici peu de temps, la dite ordonnance sera signée. Est-ce que quand vous dites que la majorité de la population a demandé cela, est-ce que vous n'exagérez pas? Qu'on fait le rapport de la CNDI avec les chiffres, on donne en termes global pour chaque idée qui a été présentée, dans le rapport qu'ils ont présenté, ils précisent le nombre de Burundais qui ont dissocié au sera, parce que vous savez, tout le monde disait, et il y en a qui, chacun disait, et il écrivait également sur le papier. Mais ceux qui ne parlaient pas, ils devaient proposé par l'équipe. Il y a un tas de dépliés, tout ce qui a été proposé et dit sur chaque point. Vous évoquez un rapport qui n'est pas publié. C'est tenu secret. Où peut-on le trouver? Mais le rapport a été donné. Il est là. Je pense que vraiment... Vous n'avez pas voulu. Quand vous le voudrez, on va vous le donner et vous allez le lire. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Parce que dans ce rapport, la CNDI devait donner le rapport au chef de l'État, à l'Assemblée nationale, je crois, au Sénat également. Et le travail a été fait. Toutes les personnes qui veulent accéder à ce document, ils peuvent l'avoir sans difficulté aucune. Il n'y a pas quelque chose de secret, parce que ça a été dit publiquement. Et le rapport a été préparé et il est là, voilà. Et que dit le parti Savoyen Fodéou sur les motivations avancées par le ministère de l'Intérieur? Les motivations sur quoi? Les motivations sur la contribution. Monsieur Nahira a déjà dit que ça émane de la volonté de la population. Est-ce que vous êtes de son avis? Cela m'étonnerait beaucoup. Cela m'étonnerait beaucoup que cela émane de la population. Avoir les plaintes de la population sur la misère qu'ils vivent aujourd'hui, je ne crois pas qu'ils sont là en train de demander encore qu'on leur demande de l'argent pour des élections, lesquelles élections sont contestées quelquefois par une grande partie, une partie de la population. Alors, me dire que c'est la majorité, ça m'étonnerait. Au contraire, nous sommes habitués effectivement à avoir ces fonds de la part des bailleurs de fonds qui sont soucieux de l'implantation de la gouvernance démocratique dans nos pays. Et le fait qu'ils ont suspendu ou ils ont annoncé qu'ils vont suspendre, et ça m'étonnerait quand même que la population puisse se mettre à la place de ces bailleurs de fonds avec la pauvreté que nous connaissons actuellement. Est-ce que la population ne doit pas contribuer pour faire avancer les institutions qu'elle a élues? Entendons-nous. La population contribue pour tout, à travers les impôts. C'est ce qui fait le budget national. Alors, je me demande pourquoi actuellement, si le pays voudrait qu'il y ait bien sûr des élections sans encombre, pourquoi il ne peut pas prévoir ça dans la loi budgétaire et ainsi... Ceux qui sont capables de contribuer, c'est-à-dire à travers tous les business qu'ils font, à travers leurs revenus, puissent donc contribuer à cela, à ces élections. Et si... En plus, il y a quelque chose qui me dérange, qui nous dérange ici au parti Savoyen Frodebo. Il y a quelques années, le gouvernement, je crois d'ailleurs en accord avec les institutions comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, avait réduit tous les comptes hors budget, donc tous ces comptes qui étaient gérés de façon un peu occulte, pour avoir un seul compte commun du trésor. Je crois qu'il est resté à peine deux comptes, celui pour les initiatives de la population qui est géré à la présidence, et ce n'est pas un autre. Mais maintenant, on voit qu'on est en train de recréer encore des comptes dont on ne sait pas comment ils vont se gérer. Or, ces comptes avaient été supprimés justement parce qu'on ne savait pas comment ils sont gérés. Et donc, ce qui vous gêne, vous, c'est la gestion de cet argent? Ce n'est pas la gestion seulement. Il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Quand on vous dit que la contribution est volontaire, est-ce qu'elle est réellement volontaire? Vous avez bien mentionné que le ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique a semblé mettre un autre accent sur cet aspect de volontariat, mais qui est redevenu presque obligatoire, parce qu'il a précisé, si je m'en souviens, que c'est un acte patriotique. Est-ce que celui qui ne va pas le faire pour une raison ou une autre sera moins patriotique? Est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences, des effets négatifs envers lui? Si cette population pour laquelle vous parlez, c'est elle qui a demandé qu'elle contribue pour ces élections à travers le rapport de la CNDI. Vous y croyez vraiment? Mais il faut bien lire. Nous n'avons pas encore lu ce rapport, comme vous dites, mais il faut aussi l'interpréter. Comment il s'est déroulé, comment il a été écrit, et comment il a été préparé. Madame Godeliev Ninina Hazoué, au niveau du parti CNDD-FDD, est-ce que vous avez déjà reçu ce rapport que le parti Frodebout dit serait tenu secret? Premièrement, moi je voudrais peut-être revenir ce que les autres viennent de dire par rapport à cette contribution. Des fois, quand on est assis dans son bureau ou quand on est assis chez soi, on pense que ce que l'on pense soi-même, c'est la pensée de la population. Moi ici, je vais répondre peut-être doublement en tant que du parti CNDD-FDD et en tant que parlementaire. En tant que parlementaire, nous faisons des descentes dans toutes les provinces du pays, que ce soit dans ma province, dans ma circonscription où j'ai été élu, ou dans d'autres provinces. C'est-à-dire que nous suivons du jour au jour ce que pense la population. Et le rapport aussi de la CNDH, de la CNDI, pardon, moi je l'ai vu, le rapport a été sorti. Vous l'avez au niveau du parti CNDD-FDD? Moi je l'ai vu personnellement. À quel niveau? On vous l'a donné? Au ministère de l'Intérieur, ça s'y trouve. Même au niveau du ministère de l'Intérieur, ça s'y trouve. Donc ce n'est pas un rapport caché, c'est un rapport officiel. Bien sûr, un site quelque part. La publication le rapport est officiel, ce n'est pas un rapport qui est dans les coulisses. Donc selon le CNDD-FDD, le rapport peut être publié. À part ça même, bien sûr, à part ça même, chaque fois que le dialogue inter-burundais se faisait, des gens s'exprimaient sur vos médias. Ils parlaient, la population parlait de ce qu'elle pense. Donc si on parle actuellement de la contribution de la population aux élections, je ne vois pas comment ça peut bouleverser les esprits des uns et des autres, étant donné que c'est la population elle-même qui a demandé. Aussi, ça m'étonne quand j'entends des gens qui disent que ce sont les bailleurs de fonds qui finançaient les élections. En tant que patriote, vraiment, pourquoi attendre toujours de l'extérieur? À quand le peuple burundais, certaines personnes seront mieux réellement et croiront qu'ils sont réellement des Burundais? Si madame, c'est la population qui a demandé de contribuer volontairement à ces élections, pourquoi aujourd'hui le ministère de l'Intérieur est en train de réglementer cette contribution? C'est dans leur mission. Le ministère de l'Intérieur, c'est lui qui doit réglementer comment ces contributions-là doivent se percevoir. Le chef de l'État a parlé, alors quand il a parlé, c'est que le ministère technique concerné doit asseoir toutes les stratégies pour que la parole du président soit effectivement respectée. Donc je ne trouve en aucune façon pourquoi s'acharner auprès du ministère de l'Intérieur qui veut réglementer comment les contributions seront perçues. À moins que ça soit de mauvaise foi, certaines personnes de mauvaise foi qui pensent que ça ne devrait pas être réglementé. Plutôt, on devrait louer cet acte-là. Est-ce que vous ne voyez pas que la réglementation va transformer ce qui était volontaire en une chose obligatoire? Mais quand bien même ça serait obligatoire ou volontaire, moi, pendant la crise de 93, je n'étais pas encore fonctionnaire. Mais les gens contribuaient et pour l'effort de guerre, on appelait ça l'effort de guerre. Maintenant, quand on veut contribuer pour asseoir la démocratie, pourquoi plutôt ne pas soutenir ça? Faustin Dikoumana, quelle est la lecture de la PARCEM par rapport à cette évolution du volontaire à l'obligatoire? D'abord, ce que je dois dire, c'est que le pays s'oriente un jour à s'autofinancer au niveau de l'organisation des élections, c'est une chose tout à fait normale, c'est même à encourager. Parce que les élections constituent ce qu'on appelle une dépense de souveraineté. C'est une dépense de souveraineté. Mais la particularité, elle est où? Les élections constituent une dépense ordinaire. C'est une dépense ordinaire, je précise. On a organisé les élections, on en organisera dans le futur. C'est connu, la constitution, on l'a, tous les 5 ans, on doit organiser des élections. C'est une dépense connue et ordinaire. Ce n'est pas spécifique ou spécial. Mm-hmm. Pour ce cas, ça doit connaître dans le budget ordinaire. C'est la gestion, la priorisation des dépenses, la gestion budgétaire où on doit prioriser ces élections. Et si c'est la volonté de la population? Si c'est la volonté de la population, un volontaire qui veut contribuer à ces élections, ça c'est tout à fait normal. Mais la perception des fonds de la population, d'abord, c'est du domaine de la loi. Et le ministère de l'Intérieur veut réglementer cela. Réglementer, ça, ça ne doit être réglementé par une ordonnance ministérielle. Percevoir de l'argent, créer un compte, ça, c'est du domaine de la loi. D'abord, au niveau du document de la gestion budgétaire qui est là, on ne donne pas autorisation à l'exécutif de s'inventer un jour de créer des comptes et percevoir de l'argent en dehors de la loi. Ça c'est au niveau juridique. Même au niveau de la constitution, la situation est claire au niveau de la constitution. On dit que le gouvernement peut recourir à des contributions, à une solidarité nationale qui doit être obligatoire en cas de calamité naturelle ou de catastrophe naturelle. C'est écrit dans la constitution. Moi, ce que je dis, les élections, c'est une dépense ordinaire. Parce que même si on contribue d'une manière spécifique aux élections, on les organise en 2020, ça veut dire que le lendemain, en 2022, on commencera à contribuer encore pour les élections de 2025. D'une manière décalée, c'est impossible. Les élections, c'est une dépense ordinaire. Il faut plutôt aller dans la priorisation budgétaire, les choix budgétaires, la bonne gestion de la chose publique pour vraiment provisionner peut-être annuellement l'argent qui sera consacré à l'organisation des élections. Mais dire que je crée un compte, je vais l'approvisionner de l'argent spécifique en dehors du cadre budgétaire, je vais le gérer, il sera contrôlé comment ça, au niveau même de la gestion budgétaire, du décret, de la réglementation de la gestion budgétaire, ce n'est pas comme ça que c'est organisé. Mm-hmm. Je dois dire que si on veut contribuer à volonté, c'est tout à fait normal, mais au niveau du cadrage, au niveau de l'orientation des dépenses, je crois que les élections ne constituent pas une dépense. Je l'ai dit que c'est une dépense de souveraineté. Ça doit contenir dans le budget ordinaire. Monsieur Nahilaj, qu'est-ce que le ministère de l'Intérieur répond à toutes ces interrogations? Je vais répondre. Merci de poser la question. Permettez-moi d'éclaircir d'abord les choses. Je voudrais passer à revue brièvement de quoi s'agit-il, quelles sont les motivations, qu'en dit la loi, n'est-ce pas? Et le Burundi a toujours organisé des élections, comme vous l'avez su, pendant plusieurs périodes. Et le budget relatif a été toujours prévu. Mais force est de constater que le budget prévu a toujours été insuffisant, raison pour laquelle il y avait toujours différents intervenants. Vous le savez, vous tous, il y a les pays amis du Burundi, il y a les Nations Unies et les autres qui apportent beaucoup de dollars, de milliers pour appuyer les élections. Où sont partis ceux-là? Non, je continue d'abord, je vais répondre après. Ils existent, mais il faut avancer. Parce que me dit changer de mentalité. Il ne faut pas toujours tendre la main, commander. Je n'ai pas dit tendre la main. Je ne dis pas à vous. J'explique l'organisation budgétaire. Je réponds à journaliste. Il faut prioriser non, à travers le. Je réponds au journaliste, je vais y arriver. Attendez, après. Monsieur, il y a les bailleurs qui sont là. Qui nous ont mis dans la situation de dépendance en prévoyant toujours un budget qui n'est même pas suffisant et tendent toujours la main aux bailleurs et qui viendront via le PID et autres pour acheter le matériel, acheter les machines, apporter le budget pour la scène. Mais ça a été toujours comme ça. Est-ce que ça le sera toujours? Mais est-ce qu'à chaque attendez, je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Excusez-moi, je vais éclaircir les choses. Souvenez-vous, en 2015, n'est-ce pas? Le bailleur vous donne l'argent, il dit, vous devez faire ceci ou cela, pourquoi nous sommes indépendants? Cet argent qui vient à nous exiger de violer notre loi, de passer outre la loi burundaise, de violer notre souveraineté, alors qu'on ne peut pas accepter. La leçon a sévi en 2015. C'est là ce moment que nous avons appris une leçon. Et d'ailleurs, c'est très important parce que maintenant, les Burundais ont appris à bien collecter les recettes et à canaliser ces recettes et à faire une bonne gestion. Ce n'est pas terminé. Un pays indépendant devrait, en principe, démontrer la capacité d'organiser lui-même les élections. Mais il y a Faustin Ndikoumana qui dit que... Avec la plus grande de sa propre population. Non, il a dit qu'il y a violation de la loi. Je vais y arriver, ce qu'il a dit. Et parce que je n'ai pas encore explicité. Il a parlé de la Constitution, moi je vais en parler. L'article 73 dit que tout individu a le devoir de contribuer à la sauvegarde de la paix, de la démocratie et de la justice sociale. Nous sommes dans le principe de la démocratie. L'un des principes, il y a les élections. C'est, on doit le faire. Et chaque Burundi est en devoir qu'il a de faire son travail et de répondre à son demande de la Constitution. Raison pour laquelle, je l'avais toujours dit, le ministre de l'Intérieur de la France. Est-ce que cette contribution... est de réglementer les choses. C'est une contribution financière dont on parle dans la Constitution. Bien sûr, bien sûr. Financière ou matérielle, tout est financier. C'est comme si même les Burundais pouvaient, tous les partis politiques pouvaient dire volontairement, voilà, nous allons observer les élections, chacun à ce qui le concerne, pour qu'il y ait transparence, sans demander quelque chose, c'est une contribution. Ça peut être financier ou pas. C'est pourquoi, en fait, il y a cette réglementation. Et si... Les pièges que nous ont toujours tendus les étrangers. Et si... En mettant dans le danger de quémander toujours et tomber dans le piège, c'est fini. Les Burundais ont changé. Nous devons répondre à notre constitution. Nous devons préparer même les élections sans attendre l'aide extérieure. Et si, comme vous le dites, c'est conformément à la loi que le ministère est en train d'imaginer comment faire contribuer la population aux élections de 2020, pourquoi il y a certaines parties qui sont opposées à cela? Ça dépend de la personne. Au moment où je vous parle, 28 partis politiques, dans trois résolutions, deux à Gitega et l'autre à le soutenir, ils ont demandé eux-mêmes à l'ouverture du compte pour la contribution aux élections. Ça trouve dans les résolutions les responsables des partis politiques. C'est d'ailleurs après, en répondant à cet appel, le gouvernement a ouvert le compte numéro 1110/267 à la Banque de la République du Burundi, intitulé Contribution aux élections 2020. Le compte est là et il y a déjà qui continuent à contribuer. C'est une très bonne chose. C'était en réponse de la demande, non seulement de la population via le dialogue inter Burundi, il y a les politiciens aussi qui ont demandé cela. Il y a aussi les rapports de la Commission électorale nationale indépendante qui ont vu le danger qui guettait le Burundi en 2015 et qui, dans les recommandations, ont fait un clin d'œil au gouvernement à lui demander d'être prudent et de chaque fois préparer les élections sur ses propres budgets sans attendre l'aide extérieure. Il y a des partis politiques et bien des organisations pour aller justement contribuer, demander les médias de venir pour prendre des images et pour enregistrer les sons. Est-ce que ce n'est pas pour avoir de bonnes grâces auprès du pouvoir? Bon, ce sont eux qui pourraient répondre à cette question, mais j'aimerais démontrer la catégorie des gens qui vont contribuer. Ils sont trois catégories. Il y a d'abord les citoyens non rémunérés, c'est-à-dire la population cultivatrice. Ça sera réglementé. Il y a les citoyens fonctionnaires. On va y revenir. Dont le retrait s'offrira à la source. Il y a aussi les personnes physiques ou personnes morales comme Parcelles, n'est-ce pas, comme autres associations qui pourront aussi contribuer. Mais pour ces derniers, on ne va pas fixer. Donc, ça sera la volonté de tout un chacun. Mais pour les personnes, c'est individuel. Même si ces personnes le font là, car l'ordonnance sera mise en application, ils seront pris en compte comme les autres, sans distinction aucune. Donc, il y a aussi une part de la volontariat pour quelqu'un qui le veut. C'est le patriotisme et c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est comme si il y a une activité donnée, par exemple. On construit, disons, un bureau provincial dans une province. Toutes les personnes peuvent contribuer selon sa volonté et selon ses moyens. Et toute personne qui le veut est appelée à le faire volontairement sans difficulté. Sylvestre Bikorindagara, il y a certains partis et même d'autres acteurs qui sont opposés à cette contribution obligatoire. Est-ce que ceux-là, ils ont raison? Après les explications que Nahiraja vient de donner. Qu'on nous écrise d'abord sur ça. Est-ce que ce sont des contributions obligatoires ou volontaires? Il y a la réglementation que Nahiraja vient d'évoquer. Il dit qu'il y aura, parmi les formes de prélèvement, il y aura les prélèvements à la source des fonctionnaires. Oui, ça peut être à la source, mais volontaire. Moi, je souscris, par exemple, pour 1000 francs et je signe, alors qu'on retire à la source. Alors, d'abord, un écrit. Les sommes à prélever ou à contribuer seront définies par l'ordonnance. Et la constitution, c'est un devoir qu'il donne. Si un professeur donne un devoir à un élève, qu'est-ce qui se passe si un élève n'a pas voulu faire le devoir? Et il y a le conseil des ministres qui s'est déjà terminé sur ça. Vous le verrez, car l'ordonnance sera signée. Alors, s'il vous plaît, si j'ai bien compris, c'est un impôt. Donc ce n'est plus une contribution volontaire. Et en matière d'impôt, cela doit passer par le Parlement. C'est la loi. C'est dit Dominique. Et alors là, je rejoins M. Faustin, et cela doit être prévu dans la loi budgétaire. Si on doit dire que le ministre va fixer, sans avoir passé par le Parlement, je m'excuse, ça sera anticonstitutionnel. Ça sera anticonstitutionnel. Madame, pas du tout. Donc la loi est claire. Ce sera anticonstitutionnel. La loi qui est là et qui nous demande de contribuer pour le pays. Madame, c'est les politiciens qui sont de façon de dévier. On va vous donner. Pour laissez la place à Madame Godelier Veninina Hazoué. La décision du gouvernement de réglementer la contribution aux élections commence à susciter des interrogations. Qu'en dit le parti CNDD-FDD? Chez nous, au parti CNDD-FDD, nous avons accueilli cette nouvelle d'une grande joie. Et les Bagumnyabanga, qui sont d'ailleurs contributifs lors de ces élections, ils ont très bien accueilli la parole de son Excellence le Président de la République. Qu'aujourd'hui, il y ait des partis qui s'opposent à cette mesure, ce n'est pas étonnant. Il y a des partis qui n'ont jamais voulu des élections au Burundi. Comment voulez-vous alors que ces partis soient d'accord avec les contributions pour les élections qu'ils n'acceptent même pas? Alors là, moi, ça ne m'étonne à rien du tout quand j'entends certains acteurs politiques et certains partis politiques qui s'opposent à la contribution des élections. Mais chez les Bagumnyabanga, pour nous, nous avons très bien accueilli parce que le CNDD-FDD, c'est un parti qui prône la démocratie. Or, quand nous avons déjà entré dans la démocratie, ce sont les élections. Nous ne pouvons pas être contre. Chez nous, les Bagumnyabanga sont prêts. Ils ont déjà commencé à contribuer. Et chez nous, nous sensibilisons même pour que les Bagumnyabanga puissent contribuer. Il y a Sylvestre. Ça n'étonne rien, s'il y a ces partis-là qui disent qu'ils ne vont pas contribuer parce qu'ils n'ont jamais été pour les élections. Il y a même ceux qui se retirent pendant le processus électoral. Comment voulez-vous qu'ils soient d'accord avec les élections? Il y a Sylvestre Bikorindagara qui dit que cette contribution est en train de devenir un impôt. Comment allez-vous remédier à cela? Ce n'est pas du tout un impôt, ce sont ses propos. S'il vous plaît, il faut d'abord entendre nous. Parce que d'abord, je récuse ce que dit l'honorable Godeliev ici, quand il dit qu'il y a des partis qui ne veulent pas, qui refusent. Mais non, c'est vrai, ça, c'est mais c'est vrai. On a parlé c'est de pas, ça. C'est pas un secret, c'est moi, pas un secret. Écoutez, c'est Sylvestre Bikorindagara qui a la parole. C'est pas un secret. C'est lui qui a la parole. Nous sommes du parti Sahania Frodebu, fondateur de la démocratie au Burundi. Et le nom le dit, Front pour la démocratie au Burundi. Nous sommes les premiers à avoir promis les élections après celles de la royauté à l'époque. Et vous ne voulez pas contribuer pour cette démocratie? Pourquoi pas? Mais comment ça vient? C'est la façon dont ça arrive que nous ne comprenons pas. Si vraiment les bailleurs de fonds qui aidaient en ce sens ne veulent pas, nous devons trouver les moyens pour y arriver. Mais comment? Je vous l'ai dit, n'allez pas dire. Vous attendez les bailleurs? Non. Est-ce que les Français vous ont demandé le budget pour les élections? C'est moi qui distribue la parole. Attendez, les bailleurs, on en aura toujours besoin, monsieur l'assistant. Si ce n'est pas pour les élections, ça sera pour autre chose. Ils sont toujours ici. Et ils nous aident dans beaucoup de choses, Dieu merci. Faisin Dikoumana, apparemment vous avez quelque chose à dire. D'abord, l'article de la Constitution qui parle des contributions, des charges publiques, c'est l'article 70, où on dit que tous les citoyens sont égaux devant les charges publiques. Il ne peut être établi d'exonération que par la loi. Et notre année dit, l'État peut proclamer la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales. C'est là où on peut proclamer l'obligation d'être solidaire. Ça, c'est clair au niveau de la Constitution. Quant aux élections, je dis, moi, je soutiens que le pays puisse organiser les élections d'une manière souveraine. Moi, je soutiens ça. Attendez-moi. Je ne t'ai pas coupé la parole. Il a dit que c'est un 13 qui est clair. Tout individu a contribué. Monsieur Nassau, Monsieur Nyaïlaj. C'est Faustin qui commande à la parole. Comment? C'est Monsieur Faustin qui a la parole. Ce n'est pas le seul haïtien qui prétend la contribution de la population. Je dois te dire que. Il y a aussi d'autres haïtiens qui font. Pas de problème, il y a une cour conditionnelle. Laissez-le terminer. Bon, je dis alors. Les élections, je le répète, c'est une dépense ordinaire. Personne n'a pas refusé. Ok. Et ça, si on veut aboutir, je continue, monsieur l'assistant. Ah oui. Laissez-le la parole. Si vous on veut s'autofinancer au niveau des élections, oui. Moi, je conseille une forme de priorisation de la dépense. Parce que c'est une dépense de souveraineté. À travers le budget national. Et c'est possible. Parce que si on analyse la gestion budgétaire aujourd'hui, il y a beaucoup d'opacité. On devait vous montrer, même si on devait être transparent au niveau de la finances aujourd'hui, vous montrer là où on peut trouver l'argent pour financer les élections. Merci. En essai, je continue. Dans ce cas, quand vous voulez donc aider d'autres contributions de la population, c'est du domaine de la loi. On n'a pas refusé. C'est du domaine de la loi. Et la loi des finances. La loi des finances. La loi des finances. C'est à travers elle où le Parlement autorise le gouvernement à lever les impôts et à gérer. C'est à travers la loi des finances uniquement. D'ailleurs, le désordre s'est généralisé aujourd'hui. En dehors de la loi des finances, beaucoup d'autorités du secteur de l'exécutif s'arrogent le droit de percevoir des contributions ici et là. Si c'est... Or, c'est à travers cette loi que le Parlement, qui représente les citoyens, qui autorise le gouvernement à lever les impôts. C'est le Parlement qui a voté la constitution sur laquelle le ministère de l'État s'est basé pour non, faire non, non, non, l'article est faux. Elle ne justifie pas vraiment. C'est le Parlement qui a validé. Non, non. Ça n'est pas d'une prétention. Cet article dont vous parlez n'est pas vraiment l'article qui est faux. Chacun veut interpréter la loi comme il veut. Comme il le fait en 2015. C'est moi qui donne la parole. C'est moi qui donne la parole. Le docteur de gestion budgétaire. Moi aussi, je l'ai au bureau. Ok. Qui impose le compte unique du trésor? Même le compte secondaire devait être soldé à chaque jour. Comment est-ce que vous donnez le pouvoir de créer un autre compte qui a été, il sera contré par qui? Si c'est la gestion, c'est un compte du gouvernement, c'est pas un compte du ministère de l'Intérieur ou de des personnes. C'est moi qui donne la parole. La parole est à vous. Du gouvernement. S'il vous plaît, on va vous montrer comment améliorer la gestion budgétaire pour provisionner les élections. C'est moi qui donne la parole. Parce qu'on est en 2017. Si on organise les élections de 2020, ce n'est pas dire qu'en 2021, on commencera encore à donner des contributions. Qui vous a dit cela? S'il vous plaît. C'est la coutume. Attendez. C'est bien clair. On a réglementé pour vous dire améliorer la gestion budgétaire. Écoutez. Améliorer la gestion budgétaire. Là, on aura à financer les élections. C'est pourquoi améliorer la gestion budgétaire. On va vous montrer comment gérer et puis avoir un problème. Vous avez le piège des étrangers que vous tendez pour qu'il n'y ait pas d'élection. Mosaïque. Pour ceux qui nous auraient captés en cours de route, je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler contribution de la population pour les prochaines échéances électorales. Quatre invités sont avec nous sur le plateau. Il s'agit de Terence Nhaïra Aja, assistant du ministre et porte-parole du ministère de l'Intérieur, l'honorable Sylvestre Bikolindagara du parti Sahwanya Fodebou, l'honorable Goderie Veninina Hazwe du parti CNDD-FDD et Fossein Dikoumana, il est président de la PARSEM. La question maintenant est de savoir si jamais il y a une ordonnance ministérielle qui réglemente cette contribution, quelle sera les conséquences de ceux qui n'auront pas contribué. Nahiraj. Et comme vous le savez, c'est vrai, il y a une réglementation. Mais vous savez que ce ne sont pas toutes les personnes qui sont capables. Il y a les vulnérables, il y en a qui ne le peuvent pas. La réglementation, c'est la clé. Je vous fais un exemple. Il y a des personnes vulnérables, il y a des personnes qui sont incapables. C'est pourquoi il y a une réglementation pour préciser à chaque niveau qui pourra contribuer et qui ne le pourra pas. Si ce n'est pas tenu secret, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les catégories et quelles seront les contributions? Tant que l'ordonnance n'est pas encore signée, il n'est pas bon d'éclaircir toutes les choses, mais c'est figuré sur le projet, mais il est en état de finalisation. Quand il sera signé, vous pourriez nous inviter pour éclairer l'opinion nationale et internationale. Est-ce que si jamais il y a certaines personnes ou certains contribuables qui s'opposent à ce que, pour les fonctionnaires, avez-vous dit, qui s'opposent au prélèvement à la source, quelle sera la suite? Et je voudrais d'abord rappeler les différentes catégories. Il y a les citoyens non salariés, il y a les citoyens fonctionnaires, il y a autres pour dire. Il y a les ASBL, il y a les sociétés, il y a d'autres personnalités particulières, pourquoi pas les fonctionnaires des ONG et qui pourraient aussi contribuer et également. Et ça sera bien précis et réglementé. Et à chaque niveau, qu'est-ce qu'on pourra faire? Et ça ne sera pas à tout moment. L'ordonnance est prévue juste au cours de l'année, pendant deux périodes seulement et une fois par période. Donc, ce ne sont pas vraiment des choses très lourdes, mais il n'est pas bon de dire les choses parce que l'ordonnance n'est pas encore signée. Je vous demanderai qu'au moment où l'ordonnance sera signée, vous pourriez nous inviter pour justement éclaircir les choses. Est-ce qu'il n'y aura pas un risque de voir si vous allez demander des papiers administratifs? Je pense qu'il n'y a pas de risque parce qu'il y aura d'abord un tas de sensibilisation. On va essayer de débattre sur ça. On pourra informer tout le monde et sensibiliser pour que tout le monde le fasse pour l'intérêt du Burundi. Ce n'est pas question de brutaliser, de faire ceci ou cela, mais en tout cas, quand on a ce sera, vous allez trouver qu'il n'y a pas... Eh bien, c'est ça, c'est ce qui est prévu. Dans l'ordonnance, il est prévu qu'on privilégie la sensibilisation pour que toute personne qui est capable puisse quand même contribuer. Sinon, dans l'ordonnance, dans le projet, j'ose être clair, il n'y a pas de sanctions qui sont prévues. En fait. Madame Godeliev, là je me permets quand même de le dire. Il n'y a pas de sanctions qui sont prévues. On va sensibiliser, on va demander à tout un chacun de respecter la loi pour l'intérêt du pays. Voilà. Madame Godeliev, un ajout, une contribution ou une inquiétude par rapport à ce que Nahiraj vient de dire? D'abord, je vais m'exprimer sur une chose que vous avez, dont vous avez parlé et que malheureusement personne n'y a répondu. Vous avez évoqué le fait qu'il y a, il y en a ceux qui appellent des médias lorsqu'ils vont verser leurs contributions. Pour moi personnellement, je positive ça. Pourquoi? Ça montre que la population effectivement répond à l'appel du président de la République. Alors s'il y a ceux peut-être qui ne sont pas contents, c'est que c'est ce qu'il y pense, il y trouve sur les médias le contraire. On dit que la population ne veut pas contribuer et par après, il y voit que plutôt il y a ceux qui sont en train de contribuer. Il faut plutôt positiver ça. Ça fait partie également de la sensibilisation. Et pourquoi si de simples gens vont contribuer, pourquoi ils n'appellent pas les médias et que quand c'est de grandes personnalités, eh bien... On communique à la trompette. Je crois que la médiatisation n'est pas obligatoire. Même pendant les cérémonies de mariage, il y a ceux qui appellent des médias, il y a ceux qui n'appellent pas des médias. Là, la médiatisation est volontaire. Donc, ce n'est pas que moi, je vais verser que je dois appeler un média. Mais si je veux, je peux l'appeler. Ça dépend de ma volonté. Il y a la question qui est posée, c'est une appréciation par rapport à ce que vient de dire Terence Nahiraj. Est-ce que le parti CNDD-FDD apprécie les mesures prises par le ministère de l'Intérieur ou bien le parti aurait des inquiétudes? Nous, on n'a pas d'inquiétude. Que Faustin dit que ça devrait figurer dans la loi budgétaire, c'est tout à fait normal. Tout à l'heure, ils ont parlé qu'il y avait des bailleurs de fonds. Même ces bailleurs de fonds, lorsqu'ils contribuaient, il y avait un budget qui était prévu dans la loi budgétaire. Alors pourquoi quand bien même il y a un budget pour les élections qui est prévu, pourquoi n'est pas aussi contribué pour augmenter le budget? Je me pose une question. Ça me rappelle un jour quand on avait commencé les travaux de développement communautaire pour la construction des écoles. Je me souviens un certain politicien dont je ne vais pas parler le nom ici. Il avait dit que pourquoi construire les écoles alors que c'est le gouvernement qui devrait les construire. Vous voyez? Alors je me demande, quand par exemple actuellement il y a un budget qui est prescrit pour la construction des écoles. Est-ce que c'est mauvais que la population se dit, nous aussi, nous allons contribuer nous pour sommes, la construction des écoles? Nous sommes en train de parler alors, de la contribution aux élections. Oui, c'est un exemple que je donne. Dans ce même ordre d'idée, quand il y a un budget des élections qui est là et que la population dit que nous allons donner un coup de main au gouvernement pour que les élections se passent dans les conditions plus meilleures, où est le problème? Moi, personnellement... La différence, madame, excusez. Oui. La différence, c'est que pour, par exemple, un impôt, une contribution, si, par exemple, un fonctionnaire, on retire à la source l'impôt sur le revenu déjà, et les fonctionnaires comptent des crédits ici et là, leur revenu déjà saturé suite à des contributions de nations diverses. Quand on demande aux fonctionnaires donner une contribution, oui, ils peuvent faire à volonté, justement, dire, dans mon budget, je décide de contribuer aux élections à tel concours, à tel monde. Mais ça devient problématique quand, dit une ordonnance, on va retirer à la source obligatoirement une autre contribution étatique alors qu'on avait déjà retiré l'impôt à la source. En fait, sensibiliser les gens, ce coup d'homme, on peut le donner. On pourra le donner, mais on sensibilise, c'est du patriotisme, on peut contribuer. Mais quand vous dites à la source, quelqu'un a déjà contacté un crédit, par exemple. Vous savez, aujourd'hui, pour vivre, pour jeûner des débuts. Est-ce que ça sera la première fois qu'on fait un retrait à la source? Ce ne sont pas des sommes colossales qu'on va retirer. Non, dire colossal ou ne pas colossal, madame, vous vous souvenez de la misère aujourd'hui dans laquelle les gens vivent. Je dois dire que sensibiliser les gens, je suis d'accord, avant qu'ils vont contribuer. Et on va contribuer. Mais quand on s'arroge obligatoirement, tu vas devoir donner de ceci. Si tu entres dans un ministère quelque part, dans une commune quelque part, on te demandera, si tu demandes un papier, montrer contribution élection. Là, ça sera de l'arbitraire, ça. C'est ce qu'on dit. Il faudra être prudent pour que cette opération se fasse d'une manière à ce que la souveraineté des citoyens soit sauvegardée. C'est pourquoi il y a une réglementation qui est en train de se faire. Et alors, on verra cette réglementation s'il n'y a pas de... effectivement. Parce que si ça allait se faire sans une réglementation quelconque qui soit là, ça devrait poser un problème. Réglementation, mais qui n'invite pas les gens. On est en train de se poser sur une réglementation qu'on n'a pas encore même vue. Ça montre déjà, si on se pose une réglementation qui n'est pas encore vue le jour, ça montre déjà qu'on est contre. Moi, je peux dire que moi, Faustin Dikoumar, si on me demande de contribuer aux élections, je peux contribuer, mais à mon niveau. Apparemment, l'honorable Sylvestre Bikoro Ndagara a une position contraire à celle de Faustin Dikoumar. Non, pas contraire, mais je dois compléter quand même. Rectifier, c'est une chose. Et Faustin a bien dit que, d'ailleurs j'étais d'accord avec lui, que cette contribution relève de l'impôt. Et l'impôt passe par une loi. Et si il nous a cité un article de la Constitution, quand la Constitution dit que tous les citoyens sont appelés à contribuer, etc. Mais c'est suivant les moyens de chacun. Alors, moi, tout le monde veut bien que nous puissions organiser les élections sans éventuellement les aides extérieures. Mais pour moi et pour la bonne gestion de la chose publique, parce que quand cette contribution va venir, ça sera une chose publique, mais pourquoi ne pas, s'il vous plaît, continuer dans la voie budgétaire, donc en passant par l'impôt, et où celui qui a beaucoup puisse donner beaucoup. C'est vous qui allez, vous allez déterminer, vous allez créer une assiette, que ce soit sur la bière, que ce soit sur les limonades, etc. Celui qui est capable d'en acheter, alors qu'on a, pose un petit, mais pas aller chez un citoyen. Même s'il a un petit revenu comme ça, vous ne savez pas comment il gère ça. Évidemment, je rajoute toujours cette situation de misère, de pauvreté que vit la population. Et c'est pourquoi je doute quand vous dites que c'est la population qui a réclamé. Elle réclame toujours l'aide de l'État pour ceci et tout cela. Très dernièrement, quand on était dans une loi, on montrait comment, au niveau par exemple des exonérations accordées. Les exonérations étaient prévues à 18 milliards d'euros de finances, mais ils ont toujours été à plus de 100 milliards. On a demandé de l'ordre. Imaginez-vous si on mettait même de l'ordre dans ces exonérations, on pourrait récupérer combien? Il y a beaucoup d'astuces qui permettraient à ce qu'à travers la loi des finances, on puisse déjà avoir de l'argent qui pourrait contribuer dans ces élections. Nous voulons organiser ces élections, nous voulons une discipline budgétaire, une priorisation suivie de la loi et non pas faire des raccourcis tout simplement sans toutefois entrer en profondeur pour dire la question. Apparemment, Faustin Dikoumana est contre la procédure qui est en train d'être utilisée. Alors, comment procéder pour avoir un consensus sur la contribution aux élections de 2020? D'abord, au niveau de la loi, il faut respecter la loi. Quand on dit que l'État peut proclamer la solidarité, contribuer, les citoyens peuvent contribuer partout et n'importe où, on contribue, chaque jour on contribue. Mais quand la Constitution donne le pouvoir de décréter la solidarité nationale, c'est à travers la Constitution, c'est à travers quand il s'agit des calamités naturelles. C'est là où on précise, le gouvernement peut décréter une solidarité devant d'autres charges, en dehors du cadre budgétaire. Ok. Au niveau, alors, de la priorisation des élections au niveau des dépenses, quand un appui budgétaire est gelé, à chaque dépense ou à chaque besoin où l'appui budgétaire a été gelé, on a immédiatement fait recours à la population. Quelle solution que vous proposez pour que la contribution puisse avoir un consensus des Burundais? Moi, je propose la priorisation des dépenses des élections. C'est une dépense de souveraineté. Je propose l'amélioration de la gestion budgétaire pour dégager beaucoup d'argent. Il y en a à voir comment le contrôle budgétaire est organisé, les exonérations, les enrichissements illicites non contrôlés. Tout ça, si on devait y atterrir, on peut dégager de l'argent est très important pour commencer à financer les élections. Si alors on peut introduire une taxe spéciale élection, par exemple dans le cadre budgétaire, pour faire, là, on peut en dire, c'est parce que c'est dans le domaine du budget, de la loi. Et encore, si on veut que la population contribue, on sensibilise, on vient basket fund, à volonté, on va alors contribuer. Et on va sensibiliser les gens à contribuer pour qu'on puisse organiser ces élections. Mais il ne faut pas faire des raccourcis, dire retrait à la source immédiatement, alors qu'il est impossible de revenir. C'est déjà retrait à la source. Vous allez demander un document administratif. Si vous ne contribuez pas aux élections, vous n'acceptez pas à cela. Il faudrait avoir des abus. Il faut y avoir des abus. Attention, il faut gérer ça d'une manière orthodoxe. Sinon, moi je soutiens que dans la dynamique de financement des élections comme dépenses de souveraineté, moi je soutiens. Mais l'affectation budgétaire, le contrôle, c'est pour cela que même la gestion des finances publiques dans une nation démocratique, c'est la source même de la démocratie. Merci pour votre contribution, Madame Honorable Godelier Veninina Hazoué. Quelle proposition du parti CNDD-FDD pour que la contribution aux élections de 2020 puisse recueillir un consensus? Moi, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui ont déjà contribué jusqu'ici, en tant que le parti qui est au pouvoir maintenant. Deuxièmement, je voudrais demander aux autres personnes qu'ils puissent contribuer. Alors, pour que effectivement ces contributions puissent recueillir un consensus des Burundais. Effectivement, pour que ces contributions puissent recueillir ce consensus, il faut qu'il y ait une réglementation, un rapport de comment cette contribution sera perçue. Et aussi, lors des élections, il faudra asseoir des mécanismes de gestion de ces fonds qui seront donnés par la population parce que ça sera leur argent. Alors, cela découlera de la façon dont cette réglementation que le ministère est en train de préparer sera faite. Nous souhaiterons à ce qu'elle soit une ordonnance qui clarifie bien comment cet argent sera perçu et comment il sera utilisé. Mm-hmm. Honorable Sylvestre Bikolindagara, est-ce que vous avez une proposition pour que cette contribution puisse recueillir le consensus? Moi, je crois que j'ai déjà donné ma contribution. Et passons par la voie légale et prévue par la Constitution. Et cela pour nous éviter des abus. Et surtout, d'ailleurs, pour nous éviter d'autres moyens énormes de récupérer cette contribution. Parce que ça va être dur. Surtout quand vous allez arriver chez les non-rémunérés. Ça va demander beaucoup de moyens et qui vont être soustraits de la fourchette globale et probablement en gonflant. Et tout va... Je vous ai déjà dit que dans la gestion de ces fonds, que nous sommes en train de regresser. Parce qu'il y a la loi qui dit qu'il y a, doit y avoir un seul compte du trésor public. Et cela passe par le budget dans la gestion. Donc, évitons de ces abus qui peuvent y avoir. Ça, nous le disons parce que nous en connaissons, nous avons des expériences sur ça. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on contribue pour ceci, qu'on demande des contributions pour construire le bureau communal. Alors que tout cela peut être prévu dans la loi budgétaire. Tout cela peut être... Il y a beaucoup de fonds qui disparaissent. Et le citoyen qui n'a pas contribué, je suis sûr qu'il a des problèmes avec l'administration de base surtout. Alors, s'il vous plaît, moi, je dis, il faut bien que nous organisions les élections de nos propres moyens, s'il le faut. Et comme on dit, c'est une dépense de souveraineté. Mais s'il vous plaît, pour éviter tous les problèmes, prévoyons ça. Il y a encore du temps. Maintenant, on n'a pas encore voté la loi budgétaire. Vous pouvez augmenter l'assiette ou le taux parce que les élections de 2020 sont très proches. Mais par après, comme le disait Faustin, le faire de façon progressive, voilà, par an, pour les de 2025, etc. Et comme ça, ça sera anonyme. Anonyme, à travers les élections. Terence et Narida Adja, qu'est-ce qui peut être fait pour que la contribution qui suscite des remous aujourd'hui puisse recueillir un consensus national? Dites en français que mieux vaut prévenir que guérir. Le risque que la République du Burundi a couru en 2015, quand à la veille des élections, les bailleurs aux élections ont coupé les aides en collaboration avec l'opposition qui se dit radicale, entre guillemets, il y avait même le parti Sawanya Frode, oui, il le sait très bien. Non, ils ont pas radical. Léo s'est plié parmi les autres. On nous colle son nom de radical. De ne pas faire que les élections ne repariez, il est plié parmi les autres. Les éléments sont dans le sol, ils sont clairs. Il y a aussi par le SEM qui ne facilite pas les choses à ce moment. Mais c'est normal si aujourd'hui, ils sont en train de réagir contre cet acte très important pour l'unité du pays. Par contre, monsieur, je vous ai laissé parler. J'ai gardé le silence, vous avez monopolisé la parole, laissez-moi parler. Alors, c'est normal, quand il y a certains remous pour les gens qui ont toujours saboté les élections depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, il faut le savoir. La question est, ce que le gouvernement est en train de faire. La question, justement, est de savoir ce qu'il est en train de faire est bel et bien conforme à la loi. Il est en train de réglementer, d'éclaircir, envie d'appliquer le devoir que nous oblige la Constitution de la République du Burundi. En son article 73, je le répète bien, si le gouvernement a le droit de décréter la solidarité en cas de catastrophe, en cas aussi de la contribution pour le renforcement de la démocratie et de la paix dans le pays et de la justice sociale, c'est le même devoir. J'aimerais informer ceux qui nous écoutent, ceux qui doivent se faire et conformer à la loi, c'est le devoir patriotique que nous recommande la loi fondamentale. Et puis, et le gouvernement est en train de répondre à l'appel aussi de la population, à l'appel des politiciens, pourquoi pas de la loi. Et puis, j'aimerais tranquilliser tout le monde qui nous écoute, qu'il n'y a pas de sanctions qui sont prévues, mais la réglementation est là et il faut qu'elle soit respectée. Et il y a des Koundara qui a dit qu'il faut voir les moyens de chacun. Effectivement, c'est ce qui va détailler la réglementation. Ne jugez pas avant le temps, attendons la sortie de l'ordonnance. On aura le temps d'en parler et j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de la main. Est-ce que vous n'allez pas considérer les inquiétudes soulevées? Mais tout a été considéré. Et quand je vous ai dit attendons le temps, ils ont dévassé même jusqu'à dire on va faire ceci, mais le contenu, patientez un peu. En tout cas, ce n'est pas frustrant, ce n'est pas gênant. Il n'y a pas de sanctions qui sont. Il y a des lois qui prévoient même les sanctions, vous le savez très bien. Certaines lois spécifiques, mais c'est une contribution qui est réglementée. Et il faut que tout Burundi contribue et qui répond aux devoirs du pays, et il faut qu'il y ait l'ordre, n'est-ce pas? C'est pourquoi il y a une réglementation. En les ordres, c'est impossible. Donc, je termine d'ailleurs à lancer un appel à tous les Burundais de les tranquilliser et de répondre. N'attendons pas les étrangers qui vont nous aider. C'est bien qu'ils viennent nous aider. Au moment où ils donneraient d'autres budgets pour les élections, ça serait bon, l'utilisation de ce budget, doit respecter la loi, ça sera un avantage pour le pays. On pourra peut-être faire d'autres projets de développement avec les mêmes moyens. Apparemment, Faustin Dikoumana est convaincu. Je crois bien qu'il faudrait une clarification et inviter les gens à contribuer à volonté. Je crois que ça sera vraiment là où les choses pourront se passer bien. C'est sur cette contribution que nous refermons ce débat qui portait sur la contribution de la population pour les prochaines élections de 2020. Merci à tous les invités. Merci à vous aussi qui nous avez écoutés. La mise en onde était assurée par Aimé Toussaint Mitebouti. Jérôme Nyonzima était à la réalisation et Joseph Sayamandi qui était au micro vous dit merci et à la prochaine. Mosaïque.